Après notre série depuis lundi sur l'histoire de l'Europe et sa difficile écriture, nous concluons cette semaine avec l'actualité des recherches, des publications et des débats sur l'histoire. Pour commencer, dans un instant, en partenariat avec le magazine L'Histoire, sa directrice de la publication Valérie Hanin et moi-même avons le plaisir de recevoir Francesco Beretta, historien de l'affaire Galilée qui fait la une du magazine L'Histoire de ce mois-ci. Puis nous débattrons avec les historiennes Bibia Pavard et Françoise Thébault du déménagement programmé de la Bibliothèque d'Histoire des Femmes Marguerite Durand à Paris, déménagement qui fait grand bruit chez les chercheuses et les chercheurs en histoire des femmes et du genre. Enfin, comme tous les vendredis désormais, nous diffuserons un nouveau C'était à la une, la séquence développée avec Retro News, le site de presse de la Bibliothèque nationale de France. Aujourd'hui, le texte de presse lu par Daniel Königsberg est un régal d'esprit fin 19e siècle. Une interview d'Émile Zola sur l'art de l'interview. Et nous voici de retour pour une nouvelle Fabrique mondiale de l'histoire en partenariat avec le magazine L'Histoire dont vous êtes la directrice de la rédaction. Bonjour Valérie Hanin. Bonjour Emmanuel. Et ce numéro est consacré à l'occasion des rendez-vous de l'histoire de Blois qui ont pour thème la question de l'innovation, Eureka, à l'affaire Galilée. Pourquoi n'a-t-il pas été brûlé, vrai scientifique ou homme de cour, ou un séisme durable pour l'Église? C'est le titre et les sous-titres de ce dossier donc de l'histoire en l'occurrence. Et nous recevons à cette occasion quelqu'un qui a participé à ce numéro de l'histoire, Francesco Beretta. Vous nous le présentez. Oui Emmanuel, l'affaire Galilée. Dans notre panthéon occidental, Galilée tient une place à part. Celle du héros de la science dressé contre l'obscurantisme. On connaît l'image. Le 22 juin 1633 à Rome, dans la grande salle du couvent des Dominicains de Santa Maria sopra Minerva, le savant humilié, à genoux, un cierge dans une main, l'autre posé sur la Bible, était forcé pour échapper à la mort d'abjurer la doctrine héliocentrique contraire à l'écriture sainte. Son livre serait proscrit, le jésuite Inchoffer se chargerait d'envoyer dans l'Europe entière 50 copies de la sentence. Descartes, prudent, écrivait à Mersenne, « Bien que je pense que les doctrines coperniciennes sont appuyées sur des démonstrations très certaines et très évidentes, je ne voudrais pour rien au monde les soutenir contre l'autorité de l'Église. » Alors Galilée, homme seul, broyé par la machine inquisition, les choses sont peut-être un peu moins simples. D'abord parce que l'avancée de l'histoire des sciences, vous en parliez Emmanuel, fait vaciller un peu la statue du grand savant isolé. De cette nouvelle manière de voir les révolutions scientifiques chères à Coiré, il sera beaucoup question à Blois, en effet, la semaine prochaine. Ces rendez-vous de Blois consacrés cette année à l'histoire des sciences. Mais aujourd'hui, nous allons parler plutôt du procès. Sur le procès, il y a aussi beaucoup de renouvellement, et ce renouvellement nous est venu d'Italie, depuis une trentaine d'années. C'est que ce procès d'inquisition prétendument exemplaire pose en réalité plus de questions qu'il n'en a l'air. Pourquoi, en effet, Galilée n'a-t-il pas été brûlé, comme Giordano Bruno, 33 ans plus tôt, qui professait les mêmes doctrines? En 1615, on va en parler, dénoncé à l'Inquisition, Galilée est une première fois en butte à l'Église, mais le pape Paul V, prudent, se contente de mettre son livre à l'index. Il faut dire que Galilée ne manque pas d'appui ni de soutien dans l'Église, à commencer par celui du cardinal Barberini, qui devient pape à son tour, en 1623, sous le nom d'Urbain VIII. Mais alors, pourquoi ce pape qui le soutenait se met-il à le condamner? Pourquoi se retourne-t-il contre Galilée et le fait-il condamner? C'est pour démêler cette histoire complexe que nous vous avons invité, Francesco Beretta. Vous êtes en effet un des historiens qui connaît le mieux l'affaire Galilée, le procès, ce procès d'inquisition sur lequel vous aviez commencé à travailler il y a 25 ans. Et donc vous participez à ce dossier de la revue L'Histoire et aujourd'hui vous allez nous aider à y voir un peu plus clair. Alors peut-être que le plus simple c'est de revenir aux sources, de revenir au XVIIe siècle et de se demander qui est Galilée et qu'est-ce que c'est que la vie d'un mathématicien, d'un savant dans l'Italie du XVIIe siècle, Francesco Beretta. Bonjour. En effet, il faut un peu oublier tout ce qu'on a d'un autre imaginaire sur Galilée, se replonger dans ce XVIIe siècle, fin du XVIe, très intéressant à plusieurs points de vue. Et un mathématicien à cette époque-là, globalement, il enseigne dans les universités. Il a une position subalterne, car la science à l'époque, c'est la science d'Aristote. La connaissance du monde est celle de la physique aristotélicienne et est là pour fonction sociale de donner aux élites l'outillage intellectuel un peu qui en légitime la distinction par rapport au peuple. Donc dans l'université, il y a les juristes qui se forment, il y a les médecins qui se forment et ce sont les cours des grands professeurs de philosophie naturelle qui enseignent à l'Aristote, éventuellement à l'Aristote grec, parce que nous sommes à l'époque de la Renaissance tardive, donc c'est le grec qu'on enseigne à cette époque-là, avec un intérêt pour la philologie. Le mathématicien, il a une position subalterne. Il donne un appui aussi dans le sens d'une certaine connaissance du cosmos, qui comprend ces quatre éléments qui sont au-dessous de la Lune, le feu, l'air, la terre, et l'eau, merci, et au-dessus, au-delà de la Lune, il y a le monde, la quintessence, ce monde des étoiles qui est séparé. Voilà. Et donc le mathématicien parle de ça, parle de la position des astres, qui est une position hypothétique, techniquement calculée mais non réelle. Simplement, dans la deuxième moitié du XVIe siècle, hein, parce que Galilée donc, est né en 1564, et il va à Padoue enseigner, après un passage à Pise, en 1592, pour donner ce point de repère de départ, qui est un peu le départ de notre histoire. À cette époque-là, le mathématicien, comme je le disais, parle du cosmos, mais le mathématicien calcule la position des astres, il ne dit pas vrai sur la nature. C'est-à-dire ? Parce que la nature, c'est le philosophe qui en parle, avec la notion de cause, avec la notion des éléments que j'ai évoqués. Le mathématicien calcule par des fictions de calcul, des hypothèses astronomiques, comme on les appelait dans une tradition qui remonte à l'Antiquité tardive, à Ptolémée. Donc le mathématicien calcule la position apparente des astres. Et donc on ne le croit pas d'une certaine façon, ou on doute de son savoir ? Exactement, et en disant surtout on relativise son savoir par rapport à celui des philosophes dont la fonction en revanche est de dire vrai sur la nature. Voilà. Il est dans l'ordre des hypothèses. Le vrai, c'est la philosophie, c'est la théologie. Le mathématicien fait des hypothèses. Tout à fait. Et disons, après il y a deux sphères hein, qui sont en rivalité, ou plutôt trois en fait. Parce que donc, allons-y directement, dans la deuxième moitié du XVIe siècle, certains mathématiciens commencent à sortir de leur rôle et commencent à appliquer les mathématiques, en simplifiant un peu, enfin, globalement, le phénomène est celui-là, en Italie notamment, à l'étude de la nature, appliquer les mathématiques à l'étude de la nature. Donc, essayer de parler de phénomènes qui étaient jusque-là expliqués par la physique aristotélicienne, par d'autres outils. Donc ils dépassent d'une certaine façon les limites qu'on leur a données. Exactement. Ce qui évidemment irrite les philosophes, puisque leur prestige intellectuel, qui se justifie par des salaires qui sont parfois 5 à 10 fois supérieurs à ceux des mathématiciens, qui est un prestige parce que le titulaire de la première chaire de philosophie à Padoue gagne 2000 florins, alors qu'un mathématicien, si elle arrive à 400, il peut être content. Ouais. Voilà. Donc du coup, Galilée se positionne dans ce contexte, effectivement, et il essaye de faire avancer une nouvelle manière de voir la science, mais ce n'est pas la science moderne, c'est encore cette science de la Renaissance tardive. Et donc, cette question qui était avancée par Valérie Hanin tout à l'heure, à savoir, aujourd'hui on travaille beaucoup, quand on travaille en histoire des sciences, sur les réseaux, on n'imagine pas qu'un chercheur est tout seul d'une certaine façon. C'est le cas aussi de Galilée, Francesco Beretta ? Exactement, et nous sommes à l'époque donc de ce qu'on appelle la République des Lettres, il y a donc ces liens, mais en Italie ce qui est plus important pour Galilée à ce moment-là, c'est de se situer dans le réseau familial, disons, des Médicis. Galilée est un Toscan, et il profite de son rôle de précepteur auprès du futur Combe II, qu'il commence à avoir l'été, donc l'été, il passe les étés à Florence, et il apprend l'art militaire, le calcul militaire à Côme, qui va devenir ensuite le grand-duc de Toscane. Et donc, ce qui est important, c'est qu'en plus d'avoir cette connaissance des astres qui est essentielle, il y a tout un domaine qui relève du travail des mathématiciens, qui est l'art militaire, l'ingénierie hydraulique dans le domaine de l'organisation des eaux, etc., etc., qui peut être utile pour le prince. Valériane. Donc cet homme est bien loin d'être un savant isolé, il est dans un milieu de patronage, il est protégé par les Médicis et il est en lien avec beaucoup de savants de son temps sans doute aussi, mais beaucoup d'hommes d'église de son temps. Alors, que se passe-t-il en 1615? Pourquoi cet homme si bien introduit est-il dénoncé à l'Inquisition? Et pourquoi? Cette dénonciation s'inscrit dans le prolongement du phénomène que j'ai décrit. D'une part, Galilée arrive, grâce à la lunette astronomique dont il a entendu parler, qu'il fabrique lui-même et qu'il projette dans le ciel, à voir des phénomènes célestes, en particulier les phases de la planète Vénus, qui montrent que, d'une part, la physique terrestre et la physique céleste sont plus proches de ce que disent les philosophes, et deuxièmement, par rapport aux phases de Vénus, grâce à la lunette, on peut voir que Vénus tourne autour du Soleil. C'est pas la Terre encore qui tourne autour du Soleil, enfin, c'est déjà un début. Deuxièmement, donc, grâce à cette lunette astronomique, il arrive à obtenir la position prestigieuse de mathématicien et philosophe personnel du grand-duc de Toscane en 1610, ce qui le libère de cette rigidité de la structure universitaire que j'ai décrite. Il n'est plus un mathématicien subalterne dans une université, c'est un homme de la cour dont l'une des fonctions est de tenir des propos savants à table lorsque des cardinaux ou des autres princes sont invités à la table du grand-duc. Il fait la conversation érudite. Exactement. Et en plus, il offre des télescopes aux potentats de l'époque, accompagnés de lettres et de poèmes, etc., etc. Tout un échange. Et parmi ces personnages, il y a des cardinaux, effectivement, car s'il est bien d'avoir des protecteurs du côté laïque, il est tout aussi important à l'époque, dans l'Italie baroque de la Contre-Réforme, d'avoir des relations avec des ecclésiastiques, en particulier Maffeo Barberini. Alors, n'empêche que il est dénoncé et il est condamné. Mais il n'est pas condamné comme Giordano Bruno à être brûlé. Il n'est pas condamné comme un hérétique. Le pape Paul V met son livre, Le Messager des Étoiles, à l'index. C'est-à-dire qu'il le censure. Donc c'est une façon de le laisser continuer quand même à travailler, à faire son travail, mais à condition qu'il se cantonne à ce domaine des hypothèses dont vous parliez tout à l'heure. C'est bien ça. Exactement. Et pour comprendre ce moment de manière très synthétique, donc il faut savoir que le fait que Galilée, le mathématicien, comme je l'ai indiqué avant, commence à parler du cosmos dérange tout le monde. Les philosophes, mais aussi les penseurs de l'idéologie religieuse étatique de l'époque, de la Contre-Réforme, en particulier les dominicains, l'ordre dominicain aussi, d'autres, mais enfin, c'est les dominicains qui essayent d'utiliser la théologie, l'autre sphère, la reine des sciences, contre Galilée, pour le bloquer du point de vue philosophique. Et c'est un dominicain, Caccini, qui est à l'auteur de cette délation donc, contre Galilée en 1615. Exactement, j'allais y arriver, puisque c'est cette délation qui est très intelligente, elle est faite directement à l'Inquisition à Rome, dont le pape est le président à l'époque, il préside tous les jeudis de l'année le tribunal en tant que président du tribunal, dans l'exercice de son autorité. Donc le fait de dénoncer Galilée pour adhésion au mouvement de la Terre, à la doctrine copernicienne, au tribunal romain, oblige le tribunal romain à prendre position. Comme vous l'avez dit, Paul V est un pape typique de son temps, népotiste, qui a construit la basilique vaticane telle qu'on la connaît aujourd'hui, mais un canoniste, il est prudent, il sait qu'il faut laisser d'une part aux théologiens les questions de théologie, et deuxièmement qu'il faut s'exprimer le moins possible en théologie. Donc il prend une décision prudente, effectivement, qu'on peut qualifier de prudente, qui consiste à supprimer tout livre qui dit que l'héliocentrisme est compatible avec la Bible, a supprimé aussi l'ouvrage de Copernic jusqu'à correction. Les corrections de l'ouvrage de Copernic seront très limitées. Il s'agit d'éliminer la dizaine de mots ou de passages au maximum dans lesquels on affirme la réalité du monde de la Terre pour repasser au pur statut épistémologique des mathématiques, de l'astronomie, qui est hypothétique, donc fictif, très utile. On permet de dire des choses tout en ne les disant pas. Voilà, on permet de faire des pronostics astrologiques très précis grâce à ça. Ça fait aussi partie du temps. Ça permet de refaire le calendrier. On est passé au calendrier grégorien en vertu aussi de cette nouvelle science astronomique. Mais c'est pas vrai, c'est juste de la fiction. Et donc, la Bible est sauve et surtout les théologiens qui l'interprète. Et comment Galilée réagit-il à ce coup de semonce, pourrait-on dire, Francesco Beretta? Mais disons, c'est un coup de semonce relatif, parce que il permet de continuer à publier dans ce domaine. Il peut continuer à travailler. Voilà. Et c'est aussi un jeu, donc là, évidemment, dans le temps limité qui est le nôtre, on peut pas entrer dans les subtilités, mais logiquement, c'est un jeu baroque. Hein. Donc, d'un côté, on interdit, de l'autre côté, on laisse faire. Donc, c'est un peu ça. Après, il faut rester dans ce jeu. Voilà. Donc, la question qui va se poser par la suite est si Galilée reste dans le jeu ou pas. Valériane. Ce que vous nous expliquez, c'est que le pape ni Paul V en 1615, ni peut-être le pape Barberini en 1633, n'ont vraiment voulu les procès. Ce n'est pas le pape. Donc cette image qu'on a d'un savant dressé contre l'institution avec le pape face à face au sommet entre le savant et le pape, ça c'est une pure fiction, ça n'a pas existé. Le pape ne veut pas du procès. Au fond, les dominicains, par exemple, l'y poussent. Ceci est tout à fait vrai, disons, pour la phase de 1615-1616. La phase suivante, disons, avec le pontificat de Barberini, Urbain VIII, est très différente. Alors, que se passe-t-il en 1633? Et donc, il y a une quinzaine d'années qui se déroulent, enfin un peu moins d'une quinzaine d'années qui se déroulent avant que la machine ne redémarre d'une certaine façon. Voilà, et donc la question est, effectivement, merci, tout à fait, pourquoi la machine a redémarré? Ça, c'est en effet la grande question. Il faut savoir que dans cette période se sont passées beaucoup de choses. Aussi, le grand-duc de Toscane est décédé, comme deux, il a été, Ferdinand II lui a succédé. Donc le protecteur de Galilée, d'une certaine façon, est décédé. Voilà, mais Galilée fait partie désormais de la famille grand-ducale. Donc le nouveau grand-duc hérite aussi du mathématicien, parce que c'est une nomination à vie. Sauf que Galilée continue à avoir des ennemis. Les ennemis mettent en question, par exemple, le poste, le salaire qu'il a en tant que mathématicien grand-ducal, sans obligation d'enseignement. Et donc, Galilée est, on pourra dire, pris un peu au piège de sa stratégie. Il doit publier un nouveau livre, un nouveau grand livre, pour, dans ce système du patronage, redorer un peu son aura et montrer qu'il est toujours le meilleur savant en Europe, on dira, voilà, au service du grand-duc. C'est l'aspect, on dira, courtois. Et là, un aspect, comment dirais-je, lié à cet ouvrage, pour lui, qui est un peu l'aboutissement d'une carrière, hein, parce qu'il va vers les 60 ans, il commence à sentir que c'est le moment de publier ce qu'il pense depuis très longtemps, notamment que le phénomène des marées est une preuve, d'après lui, du mouvement de la Terre. Et ça, c'est pas vrai. Alors, au point de vue scientifique, nous savons aujourd'hui que c'est l'explication de Galilée n'est pas correcte, mais bon, le point n'est pas là. Il la présente comme cela. Oui. Disons que l'innovation de la science galiléenne, comme je l'ai évoqué rapidement, est de rompre cette distinction entre la physique terrestre et la physique céleste. Donc, c'est plus dans cette innovation que s'y situe son originalité vraiment importante dans l'histoire des sciences. Simplement, il y a l'interdiction de publier des ouvrages qui affirment la réalité du mouvement de la Terre. Et là, vous expliquez des phénomènes terrestres par la physique céleste dans cet ouvrage. Et donc, logiquement, vous parlez de réalité. Ce n'est plus une fiction de calcul. Cette cassure de la séparation entre la physique terrestre et céleste, logiquement, qui innove complètement, inaugure la physique telle que nous la connaissons aujourd'hui, s'oppose à ce décret de 1616 et pose problème aux censeurs. Et donc, d'un seul coup, il a transgressé la règle qu'il avait plus ou moins signée ou acceptée en 1616, et c'est ce qui redéclenche la protestation. Exactement. Et pour comprendre ce qui se passe après, il faut savoir qu'il a transgressé avec la permission du pape lui-même. C'est-à-dire qu'il s'est adressé au pape Urbain VIII, à travers tout un système de clientèle qu'on ne peut pas résumer ici, par une série d'intermédiaires, et c'est le pape qui a cautionné cette publication. Donc, oui, le pape a autorisé cette publication. Voilà. Il a donné l'imprimature à ce dialogue sur les deux systèmes du monde, et pourtant il se retourne. Alors pourquoi il se retourne contre ce pape Barberini, contre son ancien ami? Voilà, le fait est que le pape a donné, disons indirectement, à travers les intermédiaires, ce permis d'imprimer, mais avec certaines conditions. et sous certaines conditions. Et ce qui s'est passé, c'est que du fait de la peste, qui a empêché pendant presque un an la communication entre Florence et Rome, le livre a de fait été publié à Florence. Et donc, on avait demandé à ce qu'il soit publié en demandant l'avis de l'Inquisition florentine, en l'occurrence, comme une sorte de deuxième imprimatur après l'avis de l'Inquisition de Rome. C'est cela, exactement, Francisco Beretta. Exactement. Simplement, il faut savoir que l'Inquisition, dans la ville du prince, a tendance à faire ce que veut le prince. N'est-ce pas? Contrairement à ce qu'on peut imaginer d'un système monolithique, en tout cas pour ce qui concerne l'Italie baroque, un système monolithique absolu, etc. Là, évidemment, il y a des arrangements qui peuvent toujours se faire. Donc, à Rome, on savait que ce livre était dangereux, parce qu'il est dangereux au sens qu'il était en contradiction avec la règle. Politiquement dangereux, avec le décret de 1616 de Paul V. Et à Florence, sachant qu'il y avait beaucoup de théologiens à l'époque qui ne pensaient pas que c'était hérétique, au contraire à la Bible, de dire que la Terre tourne. C'est-à-dire, l'enjeu est celui de savoir si on peut appliquer la Bible, la lecture de la Bible, aux questions de cosmologie. Et s'il y avait un parti rigoriste qui était favorable à interdire ces doctrines au nom de la Bible, il y avait aussi un certain nombre de théologiens qui pensaient qu'il ne fallait pas mêler des questions d'exégèse à ces questions scientifiques. Valériane. Mais alors, comment expliquer quand même cette condamnation par le pape? Le pape se sent obligé parce qu'il est devenu pape, parce qu'il doit rendre des gages aux jésuites qui sont importants dans son entourage, parce que le contexte international l'y pousse, ou parce que tout simplement, il faut absolument qu'il maintienne cette distinction entre philosophie et mathématiques? Merci. Donc le pape s'est senti trompé par Galilée. Il y a plusieurs éléments très surprenants dans le dialogue. À la fin du texte, il y a un argument qui avait été donné par le pape pour donner une sorte de couverture qui a été retourné dans un sens complètement différent par Galilée. Sur la couverture, malchance, sur le frontispice, malchance, il y a trois poissons qui se mordent la queue. Ce sont les armoiries de l'imprimeur, mais le pape a interprété ça comme une allusion au conflit qu'il y avait entre les trois cardinaux neveux qu'il avait créés. Il ne s'était pas contenté d'en avoir un, il en avait trois, de ce neveu qu'il avait créé cardinaux. C'est un pape tout à fait d'un côté, dans cette renaissance tardive, adepte du clientélisme dans la famille. À Rome, on dit tout ce qu'ont pas fait les barbares, l'ont fait les barberini. Voilà, y compris utiliser le bronze du Panthéon pour faire les colonnes du Bernin dans la basilique vaticane. Et de l'autre côté, c'est le chef de l'Inquisition. Il le sait très bien et on a dans les archives des témoignages clairs de ceci. Et donc, le pape change de casquette, on peut dire de manière un peu moderne. C'est-à-dire, il oublie qu'il est mécène et il devient chef de l'Inquisition et prend en main le procès et souhaite que ça se déroule à Rome sous son contrôle direct. Donc c'est bien une affaire extrêmement complexe qui est loin de montrer que l'Église et la science seraient en opposition frontale, hein, ce que vous nous décrivez. Mais alors, comment expliquer que l'on connaisse si bien tout cela aujourd'hui, enfin que vous le connaissiez si bien, Francesco Beretta, pourquoi les archives se sont ouvertes et elles n'étaient pas accessibles? En effet, les archives, disons, au Vatican, de l'administration pontificale, sont ouvertes depuis plus d'un siècle. Mais les archives de l'héritière de l'Inquisition romaine, qui est la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, ont été ouvertes seulement en 1998. Et ce n'est que depuis cette époque qu'il y a eu une ruée d'historiens qui se sont jetés sur ces archives pour y trouver ce qu'ils s'attendaient. Ils ont trouvé moins de choses, je pense, de ce qu'ils imaginaient, mais on a pu effectivement retrouver quelques documents et surtout un contexte, reconstituer un contexte permettant d'étudier ce procès. Alors c'est tout à fait passionnant cette histoire, parce que tout compte fait, ce que vous nous racontez, Francesco Beretta, c'est que pendant des siècles, cette affaire Galilée a servi à d'argument, pourrait-on dire, aux philosophes, que ce soit au XVIIe ou au XVIIIe siècle, aux hommes d'Église d'un côté, aux scientifiques qui tentaient justement de s'extraire de l'Église pour pouvoir avoir leur propre autonomie scientifique, et que ça n'est que depuis maintenant presque une vingtaine ou une trentaine d'années qu'on peut véritablement tirer une sorte de leçon historique de ce qui s'est passé véritablement, c'est-à-dire avoir une nouvelle interprétation, alors que pendant des années ça a été une sorte de guerre picrocholine entre laïcs, religieux, etc. Tout à fait. Et disons que ce qui s'était passé, en gros, on le savait. Mais ce qu'on sous-estime souvent, c'est que le pape a condamné Galilée à abjurer à genoux, sous serment, comme Valérian l'a évoqué au début. Un cierge à la main. Comme étant contraire à la foi chrétienne, le mouvement de la terre. C'est le pape qui l'a ordonné. Et en plus, il a ordonné que la sentence de condamnation de Galilée soit répandue dans toute l'Europe. Ça a été traduit en latin, c'était traduit en français par Mersenne, publié quelques années après. Donc l'Europe entière, Descartes compris, comme ça a été évoqué, a su que Galilée avait abjuré, et à l'époque on savait ce que ça veut dire, c'est repoussé comme contraire à la, sous serment, comme contraire à la foi chrétienne, le mouvement de la terre. Donc du coup, au XIXe siècle, c'est devenu évidemment un lieu de mémoire, un symbole très important, et ça a été utilisé à fond par les laïcs, les penseurs, etc., pour discréditer l'Église, qui ne s'est jamais vraiment remise, je crois, de cet épisode. Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Comment l'Église s'est-elle sortie de ce mauvais pas? Comment est-ce qu'elle nous raconte l'histoire aujourd'hui? Jean-Paul II a joué un rôle important dans cette affaire. Voilà, Jean-Paul II, en tout cas, a eu à partir de 1979 la volonté de faire de la lumière sur ce cas. Une commission a été chargée de l'analyser. C'était nouveau, c'était une vraie rupture. Oui, oui, oui, tout à fait. Je pense que Jean-Paul II a eu, même par rapport à l'Inquisition, vraiment la volonté de lancer un mouvement de confrontation de l'Église avec son passé, qui correspond aussi à ce qui est un peu dans l'air, même dans d'autres contextes, politiques, etc. Après, honnêtement, en tant qu'historien, je suis obligé de constater, en ayant lu le rapport qui a été présenté en 1992 par la commission d'études, que la question de fond a été évitée. C'est-à-dire que on a essayé de présenter un Galilée qui était bon exégète, parce que il avait su quand même interpréter la Bible comme on l'a appris à le faire depuis, et mauvais savant, notamment à cause de cet argument des marées qui était infondé scientifiquement. Il avait prétendu que quelque chose était vrai sans avoir des arguments scientifiques suffisants, ce qui me paraît, disons honnêtement, une manière un peu paradoxale de présenter les choses. C'est-à-dire que si on l'avait condamné, c'est parce qu'il était un mauvais savant. Voilà. Ce qui est quand même très étonnant. Non, aussi, c'est que on imagine toujours, et il y a toujours une part, disons, de mythologie autour de l'histoire et des découvertes dans les archives, Francesco Beretta, on imagine toujours qu'on trouvera l'alias d'archives qui vous donnera l'interprétation définitive. Or, ce que vous nous racontez, c'est que là, les liasses d'archives ont été ouvertes, elles étaient attendues depuis longtemps, et l'interprétation définitive, vous nous dites, on l'avait déjà plus ou moins auparavant, ça n'est pas l'alias d'archives qui a permis d'avoir une lecture véritablement beaucoup plus fine. On a compris quelques petites choses qu'on n'avait pas comprises auparavant, mais ça n'est pas cela qui a été à l'origine de la révélation, pourrait-on dire, d'une nouvelle vérité sur l'affaire Galilée. Voilà, pour ce qui me concerne, en tout cas personnellement, donc aussi mon approche, celle que je propose dans mes travaux, les documents dont on a pu disposer permettent surtout de savoir comment faisait le tribunal normalement. Il y a beaucoup de cas de censure d'ouvrages qui concernent tout à fait autre chose, hein, pas la science, mais par exemple des dévotions mariales, des choses totalement, des objets complètement différents. Mais on peut maintenant mieux comprendre les logiques. Voilà, exactement. Et donc relire les documents du procès de Galilée qui sont conservés dans cette optique, mieux les interpréter et puis les situer effectivement aussi dans un contexte plus large, ce que permet de faire la bibliographie des 20 dernières années et donc de mieux comprendre des documents qu'on connaissait depuis longtemps. Valériana. Donc on découvre une histoire évidemment très complexe petit à petit, grâce en effet à la finesse de tout ce qu'on découvre dans les archives, de ce que vous avez découvert. Diriez-vous, Francesco Beretta, que ce procès Galilée continue d'être, même si on le voit différemment aujourd'hui, une véritable catastrophe pour l'Église? Je ne sais pas vraiment ce qu'il faut. Il veut encore avoir accès aux archives du Vatican, moi, donc il n'ose pas le dire. De mon point de vue, c'est exactement. Non, mais là, il n'y a pas de souci de ce point de vue-là. Mais moi, je pense que c'est plutôt une chance, hein, pour le dire. Pourquoi? Parce que, disons, ça permet de comprendre, en fait, que l'Église est faite d'hommes, d'êtres humains, qui se trompent, qui agissent dans l'histoire, qui ne sont pas hors de l'histoire. Donc, on ne pouvait pas imaginer en 1633 que la Terre tournait. Objectivement, les personnes qui le pensaient comme quelque chose de vrai à l'époque, je ne sais pas s'il y en avait une centaine. Donc, après, le monde tourne et donc l'histoire a évolué et donc on peut relire ces choses avec une certaine distance critique et ça pose pas de problème à mon sens. Merci beaucoup Francesco Beretta d'être venu présenter votre travail, long travail justement sur l'affaire Galilée qu'on peut retrouver dans le dernier numéro de l'Histoire titré justement l'affaire Galilée à l'occasion des rendez-vous de l'Histoire de Blois dont le thème est Eureka et traite, on le verra la semaine prochaine, des questions scientifiques. On se retrouve le mois prochain avec vous Valérie Hénin pour une nouvelle fabrique mondiale de l'histoire au mois prochain. Avec plaisir Emmanuel. Au revoir. Au revoir. D'abord elle a goûté la pomme, même que c'était pas très bon. Y avait rien d'autre alors en somme, elle a eu raison, eh bien non. Ça l'a pourtant arrangé l'homme, c'était pas lui qui l'avait fait. N'empêche, il a bouffé la pomme jusqu'au trognon et vite fait. Oui, mais c'est la faute d'Ève, il n'a rien fait lui Adam. Il a pas dit femme je crève, rien à se mettre sous la dent. D'ailleurs c'était pas terrible, même pas assaisonné. C'est bien écrit dans la Bible, Adam il est mal tombé. Après ça, quand Dieu en colère leur dit avec des hurlements, manque une pomme à l'inventeur qui l'a volée, c'est toi Adam. Ève s'avance à fanfaronne et dit mais non papa c'est moi. Mais d'ailleurs elle était pas bonne, faudra laisser mûrir je crois. Alors c'est la faute d'Ève s'il les a chassés d'en haut. Et puis Adam a pris la crève, il avait rien sur le dos. Ève a dit attends je cueille des fleurs, c'était trop petit. Fallait une grande feuille pour lui cacher le zizi. Après ça quelle triste affaire, Dieu leur a dit faut travailler. Mais qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Ève leur a dit j'ai trouvé. Elle s'arrange à la salope pour faire et porter les enfants. Lui poursuivait les antilopes et les lapins pendant ce temps. C'est vraiment la faute à Ève si Adam rentrait crevé. Elle avait une vie de rêve, elle s'occupait des bébés, défrichait un peu la terre, semait quelques grains de blé, pétrissait bols et soupières, faisait rien de la journée. À 16h, de la mairie, le vote des dames. Est-ce que ça vous intéresse, mademoiselle? Mais certainement, madame. Et vous, monsieur, qu'est-ce que vous en pensez? Également, ça m'intéresse beaucoup. Et vous, jeune homme? Oui, pourquoi pas, il n'y a pas de raison que les femmes votent pas. Dans la rue, toutes les femmes sont dans la rue. Vous écoutez La Fabrique de l'Histoire sur France Culture avec Emmanuel Laurentin. Une fabrique de l'histoire consacrée à l'actualité. Aujourd'hui, l'actualité des débats. On a entendu Anne Sylvestre, la faute à Ève, qui fêtera bientôt ses 60 ans de carrière. Anne Sylvestre en concert à Paris du 6 au 10 octobre au 13e art, dans le Paris 13e, donc, pour introduire le deuxième sujet de ce jour avec Françoise Thébault. Bonjour Françoise Thébault. Bonjour. Et avec Bibia Pavard. Bonjour Bibia Pavard. Bonjour. Vous êtes toutes les deux historiennes des femmes et du genre et vous êtes manifestées l'une et l'autre, avec beaucoup d'autres d'ailleurs, sur le déménagement futur d'une bibliothèque, une bibliothèque intéressante qui s'appelle la bibliothèque Marguerite Durand à Paris et qui est une bibliothèque d'histoire des femmes. Alors il faut peut-être d'abord expliquer ce qu'est cette bibliothèque, Françoise Thébault, et qui était cette Marguerite Durand qui était une pionnière justement du combat des femmes à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Oui, commençons donc par Marguerite Durand, 1864-1936, féministe de la première vague, fin 19e, début 20e, notamment connue pour avoir fondé un quotidien féministe, La Fronde, en 1897, journal entièrement réalisé par des femmes, de la direction à la composition. Alors, sa bibliothèque, d'où vient-elle? Marguerite Durand, de son vivant, a rassemblé une large documentation sur la vie des femmes, sur le mouvement féministe, à la fois pour faciliter l'écriture du journal La Fronde, mais aussi parce qu'elle était tout à fait consciente que la mémoire des femmes devait être transmise, mmh, et conservée et transmise. Mmh. Et dans ce but, elle a, avant sa mort, hein, en 1931, fin 31, début 32, donné son fonds à la ville de Paris. D'accord. Et c'est ce fonds donc qui, pour l'instant, est conservé donc dans une bibliothèque qui rassemble aussi la bibliothèque Jean-Pierre Melville dans le 13e arrondissement de Paris et qui est donc prévu. Il est prévu qu'on déménage le fonds de la bibliothèque Marguerite Durand et c'est pour cela que vous êtes là toutes les deux, Bibia Pavard et Françoise Thébault, c'est ça? Oui, alors quel est le problème? La bibliothèque donc installée dans la médiathèque Jean-Pierre Melville, celle-ci doit être réhabilitée, il doit y avoir des travaux et la mairie de Paris veut récupérer l'étage qui était alloué à la bibliothèque Marguerite Durand, ces fonds étant conservés aussi au même endroit. On ne propose pour l'instant à la bibliothèque Marguerite Durand qu'un déménagement à la bibliothèque historique de la ville de Paris dans des conditions qui ne conviennent absolument pas pour plusieurs raisons. D'une part, la bibliothèque historique de la ville de Paris est déjà relativement pleine. Il n'y a pas assez de place pour le déménagement. Les fonds, la collection de la bibliothèque de la ville, de la bibliothèque Marguerite Durand ne serait pas sur place. Elle serait envoyée, on ne sait pas où. Mmh. Et il y a surtout, la conservatrice, le personnel, les chercheurs et chercheuses français et étrangers. Je crois qu'il faut aussi insister sur Bien la sûr. Mobilisation des chercheurs étrangers qui ont beaucoup travaillé dans cette bibliothèque depuis les années 70. Il y a risque de perte d'autonomie de cette bibliothèque dont la qui a un fonds patrimonial inestimable, qui a besoin de s'enrichir continuellement. Elle s'est enrichie depuis ce don de 1932. Il faut que cette bibliothèque, la seule française spécialisée dans l'histoire des femmes et du genre, puisse continuer à vivre elle-même, s'enrichir, permettre aux chercheurs de bonnes conditions de consultation, permettre aussi une vie culturelle et scientifique comme elle l'a toujours fait. Bibia Pavard, vous avez vous-même, en tant qu'historienne des féministes et du combat des femmes du deuxième temps, pourrait-on dire, celui des années 60 et 70. Vous avez beaucoup travaillé sur les lois sur l'avortement et sur les combats pour l'avortement des femmes dans les années 60 et 70. Vous avez vous-même fréquenté cette bibliothèque extrêmement spécialisée, c'est cela ? Exactement, parce qu'il faut rappeler que ce n'est pas simplement une bibliothèque, c'est un lieu de conservation d'archives inestimables. Et donc on y trouve toutes sortes de documents, des tracts, des photographies, des affiches, la presse féministe, féminine. C'est vraiment un lieu très riche et qui s'enrichit sans cesse. Il faut le rappeler, c'est un lieu vivant. La conservatrice actuelle achète des documents, des cartes postales, des photographies en permanence. Et justement, ce déménagement risque véritablement d'assécher cette bibliothèque et ce lieu de conservation en la coupant de son histoire et de la politique, en réalité. Oui, alors vous avez vous êtes intéressé aussi à ce personnage de Marguerite Durand, où vous me disiez avant l'antenne que c'était un personnage qui mériterait un biopic à l'américaine. Absolument. D'une certaine façon. Absolument, une vie totalement romanesque, un personnage hors du commun. Et c'est vrai que cette bibliothèque, c'est son dernier combat. Il faut aussi rappeler qu'elle est morte dans les rayonnages de cette bibliothèque. Ah, un arrêt cardiaque, alors qu'elle a vraiment travaillé à la fin de sa vie pour constituer ce lieu qui devait servir aux femmes, aux féministes, pour conserver la mémoire et aussi pour travailler, pour construire l'histoire. Et d'ailleurs, elle avait totalement conscience que ce lieu était un lieu fragile. Et à la fin de sa vie, elle écrivait à sa collaboratrice en 1935 qu'il fallait vraiment réfléchir à la suite de cette bibliothèque. Si vous le permettez, j'aimerais bien vous lire une citation de cette lettre qui est magnifique. « Il faut qu'on le sache bien, que cette bibliothèque est d'un genre spécial et qu'il ne servirait de rien de placer un bibliothécaire incapable de fournir la documentation qui est notre raison d'être et bornerait son rôle à ranger sur des rayons et sur des fiches par ordre alphabétique des ouvrages et des noms d'auteurs. » Et effectivement, ça montre bien que ce lieu, il est vivant parce qu'il a été animé par des personnes qui étaient convaincues de l'importance de la formation de ce fonds, de ce patrimoine qui véritablement a accompagné finalement l'histoire des féminismes depuis le début du XXe siècle. Oui, Françoise Thébault, c'est peut-être cela aussi qui explique cette mobilisation nationale et internationale pour un projet de déménagement, parce qu'on pourrait dire tout compte fait, elle n'est pas supprimée cette bibliothèque, elle déménage simplement, c'est parce que, comme vient de le dire Bibia Pavard, cette bibliothèque a accompagné tous les travaux d'histoire des femmes et du genre depuis maintenant une bonne trentaine ou une bonne quarantaine d'années, c'est cela ? Tout à fait, oui. Bon, elle a un peu vivoté de la Seconde Guerre mondiale jusqu'aux années 60 et on l'a retrouvée en quelque sorte, on l'a redécouvert dans les années 70 avec beaucoup d'émotion. toutes celles qui ont participé à cette aventure du développement de l'histoire des femmes depuis 40 ans, ont fréquenté bien évidemment la bibliothèque Marguerite Durand, ont découvert ces fonds inestimables. On a parlé des cartes postales, des affiches, il faut aussi évoquer les dossiers que constituait Marguerite Durand dès le début, des dossiers à la fois biographiques et thématiques, qui sont extrêmement intéressants pour les chercheurs et que les bibliothécaires et conservatrices successives ont poursuivi ce travail de constitution de dossiers. Oui, alors on dit ça n'est pas une menace de fermeture, c'est une menace de déménagement dans un endroit qui certes serait plus petit mais plus central dans le centre de Paris, puisque la bibliothèque historique de la ville de Paris est située dans le Marais. Qu'est-ce que vous voudriez d'une certaine façon ? Parce que si on vous dit il faut fermer cette bibliothèque parce que la bibliothèque qui l'accompagne, celle de Jean-Pierre Melville, qui est une bibliothèque de la ville de Paris, a besoin de places supplémentaires, qu'est-ce qu'il faudrait selon vous, François Stébeau, aller dans un autre lieu, plus grand, en profiter pour faire une sorte de saut qualitatif en disant tout compte fait, pourquoi ne pas être le porte-drapeau justement de ce travail sur les femmes et le genre en créant une bibliothèque spécialisée dans un lieu spécialisé ? Alors, tout à fait. D'abord, je rappellerai que c'est l'histoire qui a fait de cette bibliothèque une bibliothèque à statut municipal. Mais elle est pour nous, pour les chercheurs français et étrangers, comme je disais tout à l'heure, l'équivalent des grandes bibliothèques spécialisées aux États-Unis, en Angleterre. Mm-hmm. Et la ville de Paris doit prendre conscience de cette importance patrimoniale et scientifique et peut être fière de posséder finalement cette bibliothèque. Alors, que demande le collectif Sauvons la BMD, lancé à l'initiative de l'association Archives du Féminisme ? Plusieurs solutions possibles, éventuellement ne rester à l'endroit où elle est, donc dans la médiathèque Jean-Pierre Melville, puisque sa collection est dans les sous-sols. Le lieu de consultation est correct. Bon, elle n'a pas beaucoup de place pour l'extension, ce qui a conduit d'ailleurs à la création à Angers du Centre d'archives du féminisme. Mmh. Ou autre solution possible, ce que vous disiez tout à l'heure, un lieu spécifique, plus grand, dans Paris, où elle pourrait poursuivre l'activité de toujours de cette bibliothèque, conserver la mémoire, des archives, des ouvrages, des brochures, des documents iconographiques et poursuivre cette tâche à la fois de conservation, de mise à disposition des chercheurs et de lieux de vie scientifique autour des recherches en histoire des femmes et du genre. Bibia Pavard sur ce même point. Oui, alors c'est vrai que cette décision de la mairie de Paris qui semble tout à fait aller à contre-courant. Parce qu'on est en ce moment dans une époque où les mouvements féministes sont très forts, où il y a un intérêt très marqué des jeunes générations pour l'histoire des femmes, du féminisme et du genre. Et on a besoin justement d'un lieu qui soit d'ampleur pour pouvoir transmettre cette histoire, cette mémoire. Et effectivement, à minima, ce qu'on demande, c'est de rester dans ce lieu. Mais effectivement, ça serait aussi une occasion de créer un nouveau lieu qui soit à la hauteur des fonds exceptionnels de cette bibliothèque. Alors, on a parlé de votre demande d'une certaine façon, François Stébeau et Bibia Pavard, ainsi que de toutes les chercheuses et tous les chercheurs qui travaillent sur cette histoire des femmes et du genre. Vous avez, cette histoire a commencé en plein milieu de l'été, au mois d'août. Nous avons été alertés par les historiens et les historiens que nous connaissons dans ce domaine de cette menace de déménagement. Est-ce que ça a beaucoup avancé? Nous sommes fin septembre. Est-ce que ça a avancé ou est-ce que pour l'instant vous êtes toujours dans l'expectative pour savoir ce qui va advenir de cette bibliothèque, François Stébeau? Nous sommes toujours dans l'expectative. Les différentes actions ont été menées, des courriers envoyés à la mairie de Paris, sans réponse pour l'instant. La situation n'a pas beaucoup bougé. Ce silence est assez éloquent de votre part, c'est-à-dire que vous vous attendiez peut-être à autre chose, c'est-à-dire que cette mobilisation qui est assez vaste aurait plus d'écho auprès de la mairie de Paris, c'est ce que vous semblez dire? On espère que cette mobilisation aura de l'écho auprès de la mairie de Paris et que la bibliothèque pourra soit rester sur place, soit obtenir un local, un lieu qui lui convienne. Bibia Pavard. À sa dimension patrimoniale et scientifique. Bibia Pavard. Oui, on espère que la maire de Paris, Anne Hidalgo, femme politique, féministe, se rende compte de la richesse de cette bibliothèque et fasse un geste pour lui donner un écho considérable. Oui. Donc pour l'instant, on est dans l'attente et on suivra bien évidemment les possibilités nombreuses qu'il y aura donc de voir évoluer cette situation avec vous, Françoise Thébault, avec aussi Christine Barre qui a fondé les Archives du Féminisme, avec vous, Bibia Pavard, et avec bien d'autres. Donc nous avons relayé d'une certaine façon votre demande ainsi que d'autres organes de presse depuis quelques temps maintenant et nous attendons évidemment des réactions possibles de la mairie de Paris qui pourrait peut-être faire en sorte que ce sort de la bibliothèque Marguerite Durand dont on parlait avec vous deux soit réglé d'ici quelques temps, et c'est-à-dire le plus rapidement possible, et qu'on puisse rassurer ainsi toutes celles et tous ceux qui travaillent sur l'histoire des femmes et du genre à Paris, en France ou dans le monde, puisque cette bibliothèque a un rayonnement mondial, comme vous l'avez noté, Françoise Thébault, le plus rapidement possible. Alors vous savez, nous avons un partenariat avec une autre bibliothèque qui s'appelle la Bibliothèque de France, tous les vendredis dans la Fabrique de l'Histoire. Et ce partenariat nous conduit à diffuser des grands textes qui ont été publiés dans la presse. Ça s'appelle « C'était à la une ». Et en l'occurrence, la Bibliothèque de France numérise de très grands textes de presse qui ont été publiés dans la presse des deux derniers siècles. Et en l'occurrence, on va vous proposer aujourd'hui un texte lu par Daniel Königsberg, un texte d'un très grand écrivain, Zola. Mais Zola était interrogé à la fin du 19e siècle. Zola qui a participé au combat contre l'affaire Dreyfus, dans l'affaire Dreyfus, avec Marguerite Durand, avec Séverine et bien d'autres. Eh bien, il était interrogé sur l'interview. Qu'est-ce que l'art de l'interview pour Zola? On va écouter tout de suite. J'accuse les bureaux de la guerre d'avoir mené dans la presse une campagne abominable le 26 avril prochain. En portant ces accusations, je n'ignore pas que je me mets sous le coup des articles 30 et 31 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881. Et c'est volontairement que je m'expose. C'était à la une. Le Figaro, 12 janvier 1893. Monsieur Émile Zola interviewé sur l'interview. L'interview, je suis assez pour cela dans les journaux. Généralement, quand on fonde un journal, le directeur vient me demander des conseils. Je recommande toujours de soigner particulièrement les interviews. Or, quels sont nos intervieweurs actuels ? De braves garçons sans savoir et des fantaisistes sans scrupules. Naturellement, je fais une ou deux exceptions, oh, pas davantage. Les premiers, les braves garçons, sont pavés de bonnes intentions. Seulement, ils n'y entendent rien, ils ne sont pas capables. Leur ignorance est telle qu'ils vous font dire les choses les plus monstrueuses et ils sont la cause de véritables scandales. Tenez, récemment, au lendemain de la mort d'un académicien, l'un d'eux se présenta chez un écrivain connu, un romancier, pour qui j'ai beaucoup d'affection. Il le prit, je crois, au seau du lit. Et mon confrère, oubliant qu'il parlait devant un intervieweur, c'est-à-dire pour le public, dit franchement tout ce qu'il avait sur le cœur. Le malheureux avait tant et si bien parlé que le lendemain, le journal lui faisait porter les jugements les plus durs sur plusieurs académiciens. Or, il était candidat à l'académie. Que voulez-vous ? Il s'était emballé. Il était allé plus loin que sa pensée. C'est un accident qui arrive tous les jours aux gens qui se grisent de leur salive. Ils parlent, puis ils veulent démentir, ce qui est une sottise. Et les fantaisistes? Ceux-là, ils sont extraordinaires. Vous ne leur avez rien dit. Vous ne les avez même pas vus. Cela ne les empêche pas de vous prêter les propos les plus insensés. Et ne protestez pas. Ils donneraient leur parole que c'est vous qui mentez. Par exemple, ce journaliste que je rencontrais cet été à Lourdes. C'était un aimable petit garçon, il me promit de respecter ma pensée, je me laissai donc aller. Quand je reçus son journal, je fus bien surpris. Mon aimable petit garçon avait absolument travesti la vérité. Quelques instants après, je l'abordais. « Dites donc, vous, c'est comme cela que vous respectez ma pensée ?» Alors lui, très calme, de me répondre. « Mais qu'est-ce que ça vous fait ? C'est beaucoup mieux comme ça, je vous assure. Ça fait plaisir au public, il préfère que ce soit arrangé ainsi. » Pourquoi ne pas démentir ? Démentir, rectifier, Jamais de la vie. Non, je n'ai jamais démenti, c'est un principe. Je le dis toujours à mes amis, ne démentez jamais. De tout cela, que conclure ? Que l'interview est une chose très compliquée, extrêmement délicate, pas facile du tout. Les journaux devraient donc confier les interviews à des têtes de ligne, à des écrivains de premier ordre, des romanciers extrêmement habiles qui, eux, sauraient tout remettre au point. Mais voilà, les hommes de grand talent sont employés à autre chose. Heureusement pour eux. Henri Leray. Voilà, c'était l'interview retranscrite de Zola, mais a-t-il vraiment dit ce qu'il a dit? On ne sait pas, par Henri Verret. C'était donc en 1893, alors que Zola venait de terminer les Rougon-Macquart. Vous pouvez retrouver bien évidemment ce texte sur le site Retro News, le site de presse de la Bibliothèque nationale de France, qui est notre partenaire pour cette opération tous les vendredis en fin d'émission. Donc, c'était à la une un grand texte de presse de grands écrivains qui s'appellent Colette, Baudelaire ou encore Émile Zola, de grands hommes politiques comme Clémenceau ou d'autres qui s'exprimaient dans la presse des deux derniers siècles et que nous retrouvons donc tous les vendredis en fin d'émission. Une réalisation de Séverine Cassard. La lecture était assurée par Daniel Königsberg. Comme d'habitude, cette émission de La Fabrique de l'Histoire a été préparée par Francesca Fossati et Aurélie Marcet. Nous avions Élise Leu qui nous a accompagné à la technique, au droit d'auteur Elisabeth Gornet-Coteau et Marie-Laure Ciboulet à la réalisation. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission, donc n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture. Il y a une page dédiée également pour cette séquence « C'était à la une ». La semaine prochaine, nous vous parlerons du 19e siècle et de son importance pour notre période. Ce sera la thématique de toute la semaine prochaine. Et puis, sachez aussi que l'histoire continue sur France Culture pendant le week-end avec Concordance des temps de Jean-Noël Jeannet qui traitera demain des sous-marins et de l'imaginaire des profondeurs avec Jean de Préneuf.